Monsieur ka marié ka placé arrêtez point kay belle mère Monsieur ka marié ka placé arrêtez point kay belle mère tout ça vous fait la passer dans main arrêtez wa va mandé tout ça vous fait la passer dans main arrêtez wa va mandé wa travaille pour payer loyer vous le pensez tous les jours wa travaille pour payer loyer vous le pensez tous les jours madame pas content maman bien boudé tous les jours madame pas content maman bien boudé tous les jours monsieur cap marié cap placé Monsieur Cap marié Cap placé, tout ça vous fait la passer dans mer. Tout ça vous fait la passer dans mer. Wap travaille pour payer loyer. Vous dépensez tous les jours. Wap travaille pour payer loyer. Vous dépensez tous les jours. Madame pas content maman bien boudé. On est pas bien tous les jours. Madame pas content maman bien boudé. On est pas bien tous les jours. Mangez sa pantalon, mangez sa pantalon. Aïe, babo qui bé, babo qui bé, belle mère. Mangez sa pantalon. Aïe, babo qui bé, babo qui bé, belle mère. Mangez sa pantalon. Belle mère, fin pour mettre nos têtes chargées. Mangez sa pantalon. Aïe, babo qui bé, babo qui bé, belle mère. Mangez sa pantalon. Aïe, babo qui bé, belle mère. Mangez sa pantalon. Dis malhonnête. Mato, mato, di mato, mato, di mato. Aïe, babo qui bé, babo qui bé, belle mémoire. Aïe, babo qui bé, belle mémoire. Belle mémoire, fin pour mettre nos têtes chargées. Aïe, babo qui bé, belle mémoire. La chita n'a pas là, la surveillé. Ma tu as rentré, la fait radiographie. Mato, mato, dis mato, mato, dis mato, mato.